Ludo in the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. People. de Ludo. Le mix de Ludo. Les gens se disent qu'il faut être fou de vivre avec un Walkman toujours branché. Marie, elle s'en fout. Son père lui dit que c'est un garçon manqué. Au début, ça la faisait pleurer. Maintenant, elle danse. Marie, elle danse. Elle adore quand ça va. Ce débile, c'est sa musique, son feeling. Un bison, God save the queen. C'est dans la rue, c'est pas normal. Mais elle, elle s'en fout. Elle ne dit rien, elle entend pas. Elle sait qu'un jour elle partira. Elle danse, Marie, elle danse. Elle adore quand ça balance. Et elle danse, Marie, elle danse. Oubliez qu'elle a pas eu de chance. Et tous ces complexes se débinent. C'est sa musique, son feeling. Un peu son God says the queen. Oh, Yeah. Stop it, baby. Miss Frisky Lady, take me away. de Ludo. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Thank you. Bon, je vais peut-être bien me mettre à parler. Bonsoir, c'est Ludo qui vous emmène. On a encore une heure, un petit peu moins d'une heure vingt à passer ensemble. À l'instant, c'était Spania avec Call Me. Quand elle veut, je l'appelle. Quand elle veut. Allez, continuons les souvenirs. Après les années 80, direction les années 70 maintenant. Bonne soirée à vous, c'est le club. Non, ça c'était vieux, ça, le club. C'est le mix de Ludo qui vous emmène. Bonne soirée à vous, bon week-end. And I wind up feeling down. Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Mr. Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Love. as much as we can. Hey, oh, This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Parle à ma sœur. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas. sexy que cette nana là. Oh mon Dieu, quelle est belle ma métisse. Tu ferais goûter à mes délices. Mes yeux brillent devant cette divine esquisse. Ce n'est peut-être une autre miss, mais c'est pour moi la number one. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Mets-toi le côté haut, faut la laisser passer. Mon ami, tu rêves, car cette fille n'est pas pour toi. Dire que c'est vieux, mais ça monte un petit peu à quelques années ce morceau, mais ça marche toujours aussi bien. Le remix surprend tout le monde et il est bien. Don Omar et Lucenzo, Danza Kuduro. Voici à la suite Fly Project avec Toka Toka. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Entre 22h et minuit. D'ici là, passez une bonne soirée. Il nous reste encore, encore 20 minutes à passer ensemble. Oh. dura sola, da media vuelta, tan saco duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas. Mueve la cabeza, dan saco duro, la mano arriba, cintura sola. Chita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you, papà l'americano. Americano. americano. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Pour oublier la pesanteur sur terre, un peu plus près des étoiles, pour leur emprunter un peu de lumière. Revenir sur terre, la tête pleine d'espoir. Potentiel pour faire quelque chose de grand. Combien de fois j'ai ressenti ce drôle de pressentiment, ce petit truc en nous qui peut changer le sens du vent. Si j'ai la tête dans les nuages, c'est pour les voir de près, ces étoiles qui me guident vers une meilleure destinée. À quoi sert la vie sans amour ni rêve à exaucer? Donc laisse-moi dans mon vaisseau, car je suis prêt à décoller. Un peu plus près des étoiles, là où les tête, c'est l'Afrique, je vois bien tout noir au Mali. Vas-y, arrivé du pétani qui visage. Mon lui, dis lui qu'elle a le plus beau des visages. Vas-y, mets du son, mets du swag, mets du ton. Ici c'est danse obligatoire, minimum les petits. Bordel, comme dit le boss, y'a des problèmes. Autant qu'un Paris l'OM. Faut que je me tais, je dis haut de là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça c'est le son qui te reprend ta licence. Moi pas qui frappe, c'est le roi, ça rembarche. Dans les textes, dans les boîtes, dans les poches. Numéro 1, n'en doute pas. Ouais, tu veux aka le bateau qui coule pas. On se voit après l'apéro. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Bonne soirée, on se retrouve demain à partir de 22h jusqu'à minuit. Fuck! de su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sí. Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur 100.